pak, je me rate pour que je... Putain, merde! Premier mot du deuxième album, la page est raturée, l'âme est saturée, j'ai carburé pour m'assurer de... Non, il y a trop de gens qui comptent sur nous. Ok. Premier mot du deuxième album, toujours avec mon frère. On était venu en paix et on revient en guerre. On a touché le ciel, cette fois on touche le soleil. On a ouvert nos cœurs, donc ouvre grand tes oreilles. J'ai croisé des démons avec leur belle toison. Ils voulaient prendre mon talent, le transformer en poison. J'ai dit non, alors ils ont reculé. Puis j'ai rappé un texte et la lumière les a brûlés. L'amour que j'ai pour mon frère est toujours vainqueur. Même la mort ne pourrait le stopper. Car s'il meurt, je l'aurai toujours dans mon cœur. Et il me tardera de partir pour le rejoindre de l'autre côté. Dans ce milieu, j'ai été très déçu. Je te le dis tout de suite, comme la fois où Aurel San nous a refusé le feat. Pourtant, il sait combien on l'aime. Allez, sans rancune, mais un peu quand même. Alors j'ai écrit jusqu'à en être mort le soir. Pour que mon rappeur préféré un jour s'en morde les doigts. J'ai enfilé ma blouse pour me protéger de la bouse. Au fait, je représente toujours Toulouse. Le rap français est choqué, ils pensaient pas nous trouver là. On m'écoute en Suisse, en Belgique, à La Réunion, à Nouméa. Je fais le plus bel art, je rentre dans le Nexus. Je tire dans le plexus, je suis le nec plus ultra. J'investis à long terme, j'arrache le cœur des adversaires. Pour les donner comme offrande à mon frère. On s'en conne des commentaires. Je te jure que par rapport à celui-là, notre premier album c'est de la merde. Du rap j'en ai bouffé, je te jure j'ai tout fait. Quand les chiffres sont sortis j'ai cru que ces fils de pute allaient s'étouffer. Non je sais je vous taquine, je vois le reflet de la fierté de mes proches dans mon disque de platine. Donc lève ton V en l'air, si t'es visionnaire. Le jour où on sera milliardaire, vous serez tous millionnaires. Toujours là pour nous aider, génération j'achète l'album mais j'ai même pas de quoi écouter le CD. Mais il y a encore de l'espoir, c'est ça qu'ils veulent prouver. Mes fans c'est ma famille, c'est ma force, je veux les couver. Ils nous ont soutenus quand on était au plus bas. Pourtant je sais qu'un jour ils seront plus là. Eh oui bandit, les petits ont grandi. Maintenant on a de la barbe, on est plus si gentil. On va durer, peu importe les barrières. On a acheté des pelles pour enterrer vos carrières. Et les mecs, arrêtez de vous battre et de comparer vos muscles. Arrêtez un peu d'être fiers, d'être qu'une bande d'incultes. Et les filles, vous êtes pas qu'une paire de seins et un cul. Arrêtez de danser sur des musiques qui vous insultent. Et c'est inévitable, non je te kick ça, c'est inévitable. C'est du véritable son, oui, oui, inévitable. Jusqu'à la victoire, ce n'est pas qu'une passion. Non, pas d'avance amical, soutien médical, je suis en méditation. J'ai la vie dans la vie, j'ai les vies, tu vérites pas d'invitation. Dans ma case, j'encaisse, j'entasse des tout petits bouts de rimes. Pas en face, je déteste, j'efface toute leur filouterie. Toujours pas de chaîne en or autour du cou. Pourtant, je pourrais acheter la bijouterie. Petit tu t'écartes, avec tes gars tu vas à l'écart. Ne joue pas au poker avec moi, dans maman j'ai toutes tes cartes. Faut que tu décales, regarde, sous tes pieds j'ai mis du C4. On se croise un de ces quatre, t'es pas capable de kicker comme je kick, ouais t'es insaccable. Big Flo et Oli, toujours insécable, pas comme le Kit Kat. On débite, on épate, on fait le spectacle. On prend du pif, tu prends des paf, appelle un psychiatre. Mais dire mon flow, mes rimes sont trop crédibles, toujours impeccable. C'est pour cette mère qui galère avec son crédit. Pour ce petit qui ne veut pas de l'avenir qu'on lui prédit. Pour ceux qui ont perdu leur taf, qui se sentent écartés. Pour les enfants dans les hôpitaux, qui rêvent de s'échapper. Cet album c'est pour ces au revoir, ces je t'aime qu'on n'a pas dit. Pour toutes les fois où on n'a pas pu remplir le caddie. Pour nos amis, nos familles, nos amours et nos morts. Mais surtout pour ceux qui y croient encore. Bientôt j'arrête, bientôt je reviens au pays. J'en ai marre de les voir se vanter et médire. Bientôt je les enlève, bientôt je retire le treillis. Bientôt je retourne à la vraie vie. Je me revois au fond de la salle, la basse qui déforme le torse, le crépitement des flashs, la foule qui ressent l'effort, on y a mis les tripes, on est presque devenu taré. J'entends la voix de mon frère qui me dit défonce tout si un jour j'arrête. Des milliers de têtes, des salles complètes de Marseille à Verdun. Dans ce tourbillon, j'ai pas eu le temps de pleurer la mort de certains. Quand je m'amuse, culpabilise, un fou me gueule. Dans ma tête, il me dit que le disque se fera pas tout seul. Putain de système scolaire, je gobe plus leur histoire. Ils m'ont tellement traité de faible que j'ai failli y croire. Tu te rends compte, moi, le petit joufflu de l'école de la rue du Thor. Je devenais le plus jeune rappeur d'Europe à être disque d'or. Peur de devenir un connard, de faire partie de ces pitres. Tu sais, ces stars qui se plaignent pour les photos et nous voient comme des chiffres. J'ai refusé des chèques parce que j'avais la flemme. Dans mes textes, je disais aime ta mère et je faisais pleurer la mienne. Mais quel con, j'étais quand j'y pense. Je pensais qu'à mes belles baskets, je voulais faire partie de la. la deuxième France. Dans les sous pour une canette, j'en étais presque fou. Et je m'imaginais que les riches étaient bien plus heureux que nous. Je m'étais trompé, j'ai fait le tour de la France et de la question. J'ai vu des petits pleins de rêves et des gamines en manque d'affection. Faut que je pète le score, ouais, faire de la thune c'est tentant. Je sais pas si j'aurai un tube, j'arrive pas à faire semblant. Mes proches essayent de me préparer au pire. Bienveillants ils me disent, le rap ça dure pas toute une vie, une carrière c'est rapide. Quand ils sont en studio, ils ont le regard vide. Ils savent tous que si ça marche pas, moi je me suicide. Je veux rire à m'en déchirer les abdos, brûler nos complexes et nos vieilles pulsions d'ado. Stop on masquer nos peurs derrière des insultes sans mentir. Assumer ses pleurs, paraît que c'est s'agrandir. T'imagines la gueule de ma mère si l'album flop. Imagine le silence et la honte devant tous mes potes. Imagine moi sans le rap, avec mon crâne, mes bras ballants. Imagine si je vous avais pas, hein, si j'avais pas de talent. À 3 ans, des tuyaux dans le nez, j'ai dit non au cimetière. La faucheuse m'a dit, je te laisse une chance. Si tu caches tout avec ton frère, j'ai signé le contrat avant de partir en roue libre. Mais je stresse, je sais qu'elle m'attend en coulisses. Mon cher hip-hop, t'es décevant. Ils sortent un album tous les 6 mois. Je sors un classique tous les 2 ans. Et j'ai une équipe en or, hardcore. Si tu m'enlèves mon cœur, moi je respire encore. J'évacue mes fractures et chacune de mes ratures. Mature, faut que j'assure, quand mes lacunes saturent. Je vise la lune et j'évacue mes peurs, l'écriture de ma plume comme armure. Je rappe avec le cœur, je fais pas ça pour m'acheter une voiture. J'ai croisé ceux dans la galère qui m'auraient tout donné. Dîner avec des millionnaires qui m'ont même pas payé le café. Que mon frère et que la chance m'accompagnent, je vous ferai signe. Si on arrive en haut de la montagne, de l'autre côté du miroir, je voulais devenir quelqu'un. On a cru à notre histoire, on a forcé le destin. J'ai failli me perdre dans le superficiel et le paraître. Et j'ai pris le temps d'écouter, de regarder par la fenêtre. Cet album c'est pour le petit qui s'ennuie en bas des tours. C'est pour ces vieux en manque d'amour qui comptent les jours. Pour les passionnés, les petits rappeurs de ma ville. Pour mon meilleur pote qui a peur, qui sait pas quoi faire de sa vie. C'est pour les pas sûrs du tout, bouffés par le doute. Pour les timides qui font demi-tour avant un rendez-vous. C'est pour les pas musclés, les complexés qui vivent quand même. Ceux qui ont jamais pris l'avion, mais veulent la villa sur la mer. Je te promets pas les grands discours qu'on aime entendre. Moi j'ai pas de mensonge ou de rêve à te vendre. Pas de retouches, pas de paillettes pour être précis. Moi, je te rappe juste la vraie vie.